Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Brexit means Brexit. Cette semaine, histoire d'une séparation. Si un membre majeur dit à la majorité, en somme, nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. De l'après-guerre aux lendemains incertains. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Brexit means Brexit. L'épopée du Brexit. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. The British people took in a referendum. On a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme, en gros, des demeurés. The UK has voted to leave the European Union. Aujourd'hui, suite de notre semaine consacrée au Brexit, autour du numéro spécial qu'a fait paraître la revue Outre-Terre, revue de géopolitique, dans un numéro spécial paru à la fin de l'année 2016, consacré à ce sujet, avec aujourd'hui deux spécialistes dans le domaine de l'économie britannique, Sylviane de Saint-Seine et Marie-Claude Esposito. Brexit means Brexit. Theresa May a été officiellement investie ce mercredi par la reine Elisabeth II, première ministre du Royaume-Uni. Elle est la deuxième femme de l'histoire du pays à occuper ce poste. Cette eurosceptique avait rejoint le camp du maintien dans l'Union européenne pendant la campagne référendaire, car elle était membre du gouvernement. Sa Majesté la reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement. Nous vivons un moment important de notre histoire. Suite au référendum, nous vivons un moment de grand changement. Et je sais que parce que nous sommes la Grande-Bretagne, nous relèverons le défi. Nous quittons l'Union européenne, mais nous allons nous construire une place positive dans le monde. Et nous allons faire du Royaume-Uni un pays qui ne privilégie pas une minorité, mais qui travaille pour le bien de tous. Ce sera la mission du gouvernement que je dirige, de construire un pays meilleur. And together, we will build a better Britain. Qu'y a-t-il de changé en Angleterre, Marie-Claude Esposito, avec l'arrivée de Theresa May au 10 Downing Street? Alors, qu'est-ce qu'il y a de changé? Bon, si on regarde comment... Depuis qu'elle est arrivée au pouvoir... Bon, déjà, elle y est arrivée, parce que ça a été aussi un peu acrobatique, mais comme souvent les élections du leader au sein du Parti conservateur. Donc, un peu acrobatique... C'est elle qui arrive à la responsabilité suprême, mais depuis qu'elle est au pouvoir et depuis qu'elle elle s'occupe de cette négociation, je veux dire, c'est Dallas ou c'est Santa Barbara. C'est-à-dire que il y a eu des rebondissements dans tous les sens, etc. Et parce que elle, ce qui m'a frappé, c'est que pendant très longtemps, on va dire au moins jusqu'en 2017, elle va essayer d'en dire le moins possible. Partout, aussi bien à Londres oui, qu'à... Oui, oui, oui. Vous savez, elle avait sorti cette formule « Brexit means Brexit ». Because Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it. Brexit means Brexit. Elle répétait ça partout. Le Brexit veut dire le Brexit. Avec ça, on n'est pas très avancé. C'est clair, mais court. Voilà. Mais pourquoi a-t-elle eu cette attitude? Je pense pour essayer d'éviter que la maison brûle. Gagner du temps. Gagner du temps. Essayer de voir. Donc, marchant sur des œufs. Alors, à partir de, je dirais, du discours qu'elle a prononcé en janvier 2017, là, on commence à avoir un tout petit peu plus d'informations. Dans ce discours, qu'est-ce qui m'a frappé? Elle en vient à Global Britain. I want us to be a truly global Britain. Global Britain, la Grande-Bretagne globale, donc la Grande-Bretagne complètement insérée dans le monde international. Ça me renvoie à l'histoire des trois piliers, des trois cercles de Churchill. L'Europe, le monde et la relation spéciale avec les États-Unis. Tandis que Donald Trump est déjà nommé président des États-Unis. Oui, Donald Trump est nommé président des États-Unis. Elle est allée le voir, elle a essayé de s'appuyer sur lui, mais bon, Soyons clairs. Elle a compris. Je crois qu'elle a compris. D'accord ? Donc, l'Europe, puisque son pays veut quitter l'Union européenne, il faut bien s'appuyer sur le troisième cercle, qui est Global Britain. Et là, dans ce discours-là, là, on comprend qu'elle est pour un hard Brexit, un Brexit dur. C'est-à-dire qu'elle dit très clairement que le Royaume-Uni va quitter le marché unique et l'union douanière. Alors, elle a des phrases où elle dit « Nous resterons bien sûr très amis avec nos amis européens, nous resterons dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. » Bon, voilà. En cas de blessure, on va céder. Voilà. Et puis, elle va aussi avoir un discours, à mon avis, très intéressant, parce que je pense que là, il y a un changement de direction. Elle voudrait retourner à une certaine forme de politique industrielle un peu volontariste. Concernant la Grande-Bretagne. Concernant le Royaume-Uni, oui. Donc un retour de l'État. Retour de l'État. Un retour de l'État et, curieusement, quasiment pas un mot pour la City de Londres. Alors ça aussi, c'est un changement profond parce que depuis Margaret Thatcher, qui avait fait de ce secteur, le secteur financier, un point fort de l'économie britannique, mais qui n'a pas été remis en cause par le New Labour, c'est-à-dire par Blair et son équipe. Et là, on a quand même un changement, je pense, de paradigme. Parce que la crise de 2007-2008 est passée par là aussi. Parce que sans doute la crise de 2007-2008 est passée par là. Jusque-là, autant en France, tout le monde est prêt à attaquer les banques, le pouvoir des banques, le mur de l'argent et tout ça. Donc ça fait partie de l'ADN des Français, je dirais. Ça n'était pas le cas au Royaume-Uni jusqu'à la crise de 2007-2008. Là, il y a eu des sondages qui ont été faits et qui ont montré très nettement que l'électorat britannique était très, très, très fâché contre les banques. A little over 6 months ago, the British people voted for change. They voted to shape a brighter future for our country. They voted to leave the European Union and embrace the world. And they did so with their eyes open, accepting that the road ahead will be uncertain at times, but believing that it leads towards a brighter future for their children and their grandchildren too. When future generations look back at this time, they will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain. Mais cette ligne d'un hard Brexit, Theresa May va-t-elle la tenir ? Alors, tout va dépendre de ce qui va se passer. On va sauter un peu les étapes. Dans le pré-accord qui a été signé, là on arrive à l'époque novembre-décembre 2018. Comme le problème de la frontière entre la République irlandaise, qui est un des pays membres de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, se pose, et que l'Union européenne a dit qu'il n'était pas question de revenir à une frontière en dur entre ces deux Irlandes pour éviter que les conflits, la guerre civile recommencent entre ces deux Irlandes. Donc comme ça s'est imposé, et que le Royaume-Uni n'a pas été capable de trouver un système permettant qu'il n'y ait pas de retour d'une frontière en dur, l'Union européenne a dit que tant que le Royaume-Uni n'était pas capable de trouver une solution à ce problème, la seule solution était que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière. Comme ça, on évite la frontière en dur. Donc, vous pensez bien que ça a fait monter les Brexiteurs Sur leurs grands chevaux. Sur leurs grands chevaux. Et donc, bon, après tout ce qui s'en est suivi. Donc, si vous voulez, on pourrait dire que sa position, ce serait un Brexit dur. Hein, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché unique, quitte l'Union douanière. Mais du fait de ce problème-là, et comme elle veut quand même qu'il y ait un accord, je pense qu'elle a compris que le danger était trop grand de faire ce qu'ils appellent un cliff edge, c'est-à-dire le saut depuis la falaise et dans le vide. Elle essaye de maintenir cette ligne-là. Et alors, ce qui se passe peut-être maintenant, c'est qu'on a l'impression que le Parlement reprend un peu la main. C'est-à-dire qu'il est arrivé à imposer qu'il y a un accord de signer. Mais comment ça va se passer concrètement, compte tenu de la deadline? Le 30 mars, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. On n'y comprend plus grand-chose. L'Angleterre va-t-elle quitter, oui ou non, l'Europe? Messieurs les Anglais vont-ils se tirer les premiers ou pas? Ça reste très probable. C'est la Première ministre britannique qui risque de demander le report. Hard Brexit et Brexit soft. Ces deux expressions résument à elles seules l'intensité des débats au sein notamment du gouvernement britannique vis-à-vis du projet de sortie de l'Union européenne. Toute solution qui permettrait de garder les Britanniques avec nous serait bonne, bien évidemment. Ce mot est l'abréviation de l'expression British Exit. Brexit, alors sortie de l'Union européenne ou sortie de piste pour les Britanniques, le feuilleton va nous tenir en haleine jusqu'à la date fatidique du 29 mars 2019. Des ports et des gares saturés, une pénurie de médicaments ou encore une flambée des prix dans les rayons des supermarchés. C'est le scénario noir d'un divorce sans accord avec l'Europe, ce que les Britanniques appellent le risque du no deal. Grande-Bretagne, c'est pas un pays du troisième monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est juste pour faire les gens nerveux en Grande-Bretagne. Je suis pas sûre qu'au Parlement britannique, Madame May ait une majorité. The British people voted for change. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Sylviane de Saint-Seine. En fait, j'ai longtemps travaillé pour des agences de presse anglo-saxonnes, c'est-à-dire d'abord Reuters et ensuite Bloomberg. Et c'est lorsque Reuters m'a nommée à Londres en 86, c'était juste au moment où les marchés financiers décollait. Vous vous souvenez peut-être que c'est en 79 que les marchés d'échange ont été libéralisés. Et donc, il y avait une espèce d'esprit pionnier et un enthousiasme qui faisait que c'était tout à fait passionnant à suivre. Et puis en même temps, il y avait Margaret Thatcher et son chancelier de l'échiquier favori qui s'appelait Nigel Lawson. Et Nigel Lawson essayait toutes sortes de politiques monétaires pour donner de la crédibilité à la livre sterling. Et donc, à Reuters, étant dans leur équipe de reportage économique, je suivais tout cela. Et c'est à partir de là que, bien des années plus tard, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur la Banque d'Angleterre et sa politique. Et donc, c'est à ce titre que j'ai pu écrire des choses sur la Banque d'Angleterre et le Brexit qui font que je suis là aujourd'hui. Dans cet article, effectivement paru dans la revue Outre-Terre en 2016, j'ai relevé, mais je pense que je vous cite là, Sylviane de Saint-Seine, un épisode comme celui du Brexit est emblématique des problèmes qui se posent à une banque nationale. Comment ça s'est posé spécifiquement pour la Banque d'Angleterre? À Alors, il était donc important pour la Banque d'Angleterre qu'elle n'ait pas l'air de prendre parti. Après tout, ce n'est pas sa mission, elle n'est pas un organe politique. Vous savez, finalement, c'est une banque centrale, c'est une bureaucratie, et je dis ça sans aucun sens péjoratif. Je veux dire, ce sont des fonctionnaires non élus. Bon. Néanmoins, on leur a accordé une certaine autonomie pour fixer les taux d'intérêt. Autrement dit, la politique monétaire, c'est très important, la politique monétaire. C'est finalement un des deux piliers avec la politique budgétaire qui sont aux mains des autorités d'un pays. Donc, ces bureaucrates non élus ont dans les mains un outil potentiellement puissant qui est la politique monétaire. Donc, il était important pour eux de dire comment le Brexit pouvait affecter leur capacité à gérer la politique monétaire, mais encore une fois sans prendre parti, parce qu'ils ne sont pas censés le faire. Bon, alors Mark Carney, qui était leur gouverneur, qui est d'origine canadienne d'ailleurs, qui a été longtemps le gouverneur de la Banque centrale du Canada, s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, mais tout en étant d'une prudence de serpent pour ne pas soit sembler s'aligner sur les positions du gouvernement qui, lui, naturellement, était sous M. Cameron anti-Brexit, et puis ne pas s'aligner non plus les Brexiteurs. Mais ça, c'est encore peut-être la position officielle. Est-ce qu'à votre connaissance, il pouvait y avoir en coulisses une façon pour la banque ou ses représentants de marquer une opinion, quelle qu'elle fût? Peu de temps après avant le référendum, Carney a validé en quelque sorte des prédictions très sombres du Trésor britannique qui prévoyait une chute du PIB de l'ordre de 4, éventuellement 6% à long terme, disons dans les 10 années à venir, 10-12 années à venir. Il a dit que c'était effectivement un scénario probable. Donc, oui, clairement, je pense que Carney était europhile et est toujours europhile, mais bien sûr en essayant de ne pas trop l'afficher. Mais est-ce qu'on peut dire que à cette époque, Mark Carney marque une différence par rapport à ses prédécesseurs, Sylviane de Saint-Saëns, vous qui avez pu travailler sur la Banque d'Angleterre au travers d'une thèse, donc au travers de la longue durée? Oui, clairement. Son prédécesseur, Mervyn King, qui a été gouverneur pendant 10 ans, ce qui n'est pas rien, de 2002 à 2012, était pro-Brexit et pro-Brexit. Ce qui est intéressant, parce que on a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme... en gros, des demeurés, enfin bref, des gens ignorants, Dieu sait, xénophobes, etc. Et ce qui me semble être une caricature, je pense que en fait, pour un certain nombre d'entre eux, et comme Mervyn King, comme d'autres anciens chanceliers de l'échiquier, comme Nigel Lawson ou Norman Lamont, donc, comme je vous disais tout à l'heure, Lawson était le chancelier sous Thatcher. Donc, bref, des Thatcheriens convaincus, eh bien, le Brexit était, pour eux, le Brexit était quelque chose de souhaitable. Pourquoi? C'est pas une question d'argent ou de que la contribution britannique à l'Europe était trop importante. Je pense que pour eux, le Parlement, c'est quelque chose d'important. L'indépendance de leur Parlement, la souveraineté de leur Parlement, c'est important. Ça, c'était certainement un élément extrêmement fort dans leur position. Sylviane de Saint-Saëns, on a affaire, quand on parle des Brexiteurs, à quand même un éventail entre Brexit dur, Brexit plus arrangeant. Est-ce que ceux auxquels vous faites référence étaient plutôt dans une radicalité, attendant, puisque au moment où nous parlons, les choses ne sont pas encore définitives, attendant une issue radicale et tranchée? Ah oui, je crois, oui, pour eux, le Brexit, c'était le Brexit, oui. Mm-hmm. Ils l'attendent donc avec impatience. Écoutez, maintenant, je ne pourrais pas dire... je dois avouer, je ne sais pas très précisément où en est ce que pensent précisément ces Brexiteurs-là. Maintenant que ça devient possiblement traductible en fait, pensez-vous que certains auraient tendance à reculer? Je n'en vois pas la trace, non. Ouais. Non. Non, c'était vraiment une position de principe assez ferme. La souveraineté du Parlement britannique et donc du peuple britannique était une considération importante. Le contrôle de leurs frontières également. Brexit means Brexit. Histoire vivante. Cette semaine, histoire d'une séparation. The UK has voted to leave the European Union. Marie-Claude Esposito, l'économie britannique ou pas ayant horreur du vide, on imagine que même dans ce moment-là, dans ce no man's land-là, où les ultimes décisions ne sont pas encore prises et tranchées, sur les bureaux des ministres, des piles de scénarii doivent s'accumuler. Est-ce qu'on est déjà un petit peu au courant de tous les scénarii possibles, de ce qu'on invente, de ce qu'on est prêt à dégainer dès lors qu'on aura eu la réponse définitive? Alors je dirais qu'il y a eu beaucoup de scénarios à partir du référendum et je dirais jusqu'au milieu de l'année dernière. Alors, donc de juin 2016 jusqu'à milieu 2018. Oui. Je trouve que maintenant les scénarios sont un peu passés de mode. Et puis il y a cet accord là. Vous voulez dire qu'on est passé aux antidépresseurs? Oui. Il y a ce préaccord qui a été signé entre l'Union européenne et Theresa May. Comme c'est dans les scénarios, il y a eu l'option norvégienne, l'option suisse, l'option canadienne. Pourquoi pas l'option turque, etc., etc. Bon, pendant un long moment, ce qui tenait la route pour les économistes, c'était l'option norvégienne et l'option suisse. Mais je vois pas quel était l'intérêt pour le Royaume-Uni, parce que l'option norvégienne, ça leur permettait de rester dans l'espace économique européen, comme la Norvège, mais ça voulait dire qu'ils allaient devoir payer une contribution à l'Union européenne sans pouvoir dire leur mot dans les décisions prises par l'Union européenne. Donc, ça s'appelle gagner sur très peu de tableaux. Voilà. Surtout que, honnêtement, quand on regarde les choses un peu froidement, je pense que les Britanniques ne pouvaient pas avoir de meilleur accord que ce qu'ils avaient maintenant. Parce qu'ils avaient quand même beaucoup de dérogations dans des systèmes très importants. Le Danemark a lui aussi bénéficié aussi à peu près des mêmes prérogatives. Bien plus que la Suisse. Hein. Ah oui, beaucoup plus. Mais le Danemark, c'est un tout petit pays, donc lui... La Suisse, vous trouvez que c'est grand ou... Il mène sa barque et on n'en entend pas vraiment parler. Alors, l'accord à la Suisse avait moins de prérogatives parce que, par exemple, la Suisse, qui a un secteur fort qui est la finance, elle n'a pas signé d'accord avec l'Union européenne. Elle a signé à peu près 110 accords de mémoire avec l'Union européenne, mais les services financiers en sont exclus. Donc, l'option suisse me paraît pas non plus être une option très valable compte tenu du poids de la City de Londres. Marie-Claude Esposito, après tout, est-ce que la City va rester la City? Est-ce qu'on est déjà en train de se dire ça va forcément se déplacer parce que les relations affectives dans le domaine de la finance et de l'économie sont plutôt, disons, élastiques. Est-ce qu'on envisage déjà le nom de la City prochaine ? Non, enfin, je crois que oui, il y en a beaucoup qui pensent que... Il y en a beaucoup qui souhaiteraient. Qui souhaiteraient, mais bon. Qu'est-ce qu'on voit historiquement ? La City, elle a une capacité de résilience extraordinaire. Elle a toujours su s'adapter. Donc, je pense qu'à court terme, elle va perdre un peu, mais elle finira par s'adapter. Le toujours, quand vous le faites remonter à quand ? À partir du moment où elle va arriver à être la place financière numéro 1 sur l'échiquier mondial, quand elle aura remplacé Amsterdam. Donc c'est fin du 17e, début du 18e siècle. Donc elle s'est toujours adaptée. Récemment, on va dire, elle a eu un creux après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a redémarré une ascension vertigineuse à partir du milieu des années 50 grâce au marché des eurodollars. Alors la City actuelle n'a plus rien à voir avec la City du milieu des années 50, où là, on avait deux cities, la City internationale et la City domestique. Ça avait duré jusqu'aux mesures prises par Margaret Thatcher de déréglementation des marchés financiers. Et comment la City s'était adaptée ? La City internationale était passée au dollar. La livre sterling avait beaucoup de problèmes et finalement, elle est passée au dollar. Elle s'est mise à faire des transactions en dollars. Bon, je vous prends un exemple comme cela. Alors bien sûr, si on revient là maintenant à notre Brexit, il y a déjà quelques banques qui ont décidé de rapatrier certaines activités dans l'Union européenne parce que avec un Brexit dur, elles vont perdre ce qu'on appelle le passeport européen. Bon, mais il faut pas croire que parce qu'elles vont perdre le passeport européen que tout d'un coup la City, qui est quand même la première place financière mondiale, va décliner, péricliter. Ou alors peut-être que sur le très long terme, ça pourra se faire. Non, moi je n'y crois pas. Elle va réorganiser son... D'abord, elle risque de nous créer un paradis fiscal juste aux portes de l'Europe. Ça sera le gouvernement, parce qu'il prendra des mesures qui favoriseront la création d'un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne. Et puis, je pense, vous savez, elle va beaucoup travailler avec des places comme Hong Kong. Il faut pas oublier que c'est la première place qui fait des transactions avec la monnaie chinoise. La force de la City, c'est son écosystème. Et puis, c'est une place très internationale. Elle est plus internationale que New York. Vous voyez ? Était avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré au Brexit, Sylviane de Saint-Seine et Marie-Claude Esposito, spécialistes toutes deux de l'économie britannique. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united and more outward looking than ever before. Demain, il sera encore question de gros sous ainsi que de la relation déjà ancienne et tumultueuse livre sterling, euro. Il sera aussi question d'interprétation d'un vote. Qui a gagné véritablement en 2016 ? The British people took in a referendum. Mise en onde par Christian Morero. The UK has voted to leave the European Union.